Nintendog, c'était un jeu très mignon. On peut le sortir, il peut faire des coupes et puis moi j'aime bien Nintendog. C'est un gentil petit. Il y a des chiens et puis des chats et puis on peut leur acheter à manger et puis on peut acheter un chat ou un chien. Il y a des Shiba, il y a des chats, tout ce qu'on aime quoi. Et puis donc, des fois on achète les chats, et puis donc on peut leur caresser le petit bidon. Des fois, eh ben, on doit leur donner des croquettes, des fois des boulettes, il y a du lait, puis de l'eau, il y a des petits jouets. Aussi, on habite dans un immeuble, et puis moi, eh ben, je suis allée dans la maison Mario. Et puis ça me plaît beaucoup, il y a même la petite musique. Ben voilà, je vous dis à toutes, bisous!